La gomène mou moun tou sa ki rive. Vie jes mal degaje. Man vini pou di mwen sa ki rive. Vie jes mal degaje. Vini di mwen sa ki rive. Vie jes mal degaje. Man vini pou di mwen sa ki rive. Vie jes mal degaje. Man baka kou pon sa ka pase. Vie jes mal degaje. Man baka kou pon sa ki rive. Vie jes mal degaje. Pou un pays modernise. Vie jes. Pour un pays civilisé, yes, yes, mal dégagé. Yo dis moi pays a robotisé, yes, yes, mal dégagé. Yo dis moi pays a pas ni respect, yes, yes, mal dégagé. Yo dis moi pays a chômatisé, yes, yes, mal dégagé. Yo dis moi pays a banditisé, yes, yes, mal dégagé. Yo dis moi pays a jumpitisé, yes, yes, mal dégagé. Yo dis moi pays a budgetisé, yes, yes. Mwen pa ka koupoun bagay tala. Vie jes mal degaje. La gomen mwen moun tou sa ki rive. Vie jes mal degaje. Fini di mwen sa ki rive. Vie jes mal degaje. Mwen pa ka koupoun sa ka rive. Vie jes mal degaje. Pou un pays modernise. Vie jes mal degaje. Pou un pays civilise. Vie jes mal degaje. Yo di mwen pays a robotise. Vie jes. Ni respect, yes, yes, mal dégagé. Yo dis mon pays a chômatisé, yes, yes, mal dégagé. Yo dis mon pays a jumpitisé, yes, yes, mal dégagé. Yo dis mon pays a brachetisé, yes, yes, mal dégagé. Yo dis mon pays a banditisé, yes, yes, mal dégagé. Ma baga go pon sa ka rive, yes, yes, mal dégagé. La gomène mon moun tou sa ki rive. Mal dégagé. La gomène mon tout ça qui rive. Vie jes mal dégagé. Ma baga repon sa ka passe. Vie jes mal dégagé. Pour un pays modernisé. Vie jes mal dégagé. Pour un pays civilisé. Vie jes mal dégagé. Yo di mwen pays y a pas ni respect. Vie jes mal dégagé. Yo di mwen pays y a jumpitisé. Vie jes mal dégagé. Yo di mwen pays y a banditisé. Yo di mwen pays a brachetisé. Vie jes mal dégagé. Pour un pays modernisé. Vie jes mal dégagé. Pour un pays civilisé. Vie jes mal dégagé. La gomène mon moun tou sa ki rive. Vie jes mal dégagé. Vini pou di mwen sa ki rive. Vie jes mal dégagé. Vini di mwen sa ki rive. Vie jes mal dégagé. Yo di mwen pays y a pa ni respect. Vie jes mal dégagé. Yo di mwen pays y a jumpitisé. Vie jes mal dégagé.